Le Centre d'études de la réunification de la patrie a publié le 4 mai l'acte d'accusation contre la bande conservatrice sud-coréenne qui s'adonne irraisonnablement à la campagne de sécurité et de dépendance au nord pour maintenir et reprendre le pouvoir. L'acte d'accusation note entre autres: la campagne de sécurité de la bande conservatrice sud-coréenne a pour objectif de prendre et maintenir le pouvoir. La campagne de la menace nucléaire et des missiles du Nord a atteint l'apogée de la comédie hystérique autour de la sécurité. La campagne du vent du Nord et de dépendance au Nord a été depuis longtemps tristement célèbre comme mécanisme à la sud-coréenne. C'est pour la reprise du pouvoir dans les élections présidentielles que les conservateurs sud-coréens font encore grand bruit des campagnes de sécurité et de dépendance au Nord. Terminée est l'époque où les conservateurs sud-coréens maintenaient le pouvoir à l'aide de telles campagnes. Le prouve nettement l'affaire de Park Geun-hye, qui aimait parler de la menace et de la provocation du Nord et qui maintenant se trouve misérablement dans la prison. Tous les Sud-Coréens doivent comprendre bien la nature du complot de confrontation que la bande conservatrice livre frénétiquement à l'approche des élections présidentielles et s'opposer vigoureusement à la bande traîtresse qui tourne le dos au courant de l'époque et à la tendance de la nation.